me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment fonctionnaient les services à Pompéi? Transport, métier de bouche, tavernier des pauvres, que pouvons-nous apprendre de cet artisanat? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, achève son état des lieux des interrogations et des apports archéologiques autour de l'artisanat et de la vie économique dans la cité campanienne, dans le cadre de sa série intitulée « Le développement urbain de Pompéi, de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ à l'an 79 de notre ère ». Directeur du centre Jean Bérard à Naples entre 2000 et 2011 et responsable de la mission archéologique Italie du Sud du ministère des Affaires étrangères, Jean-Pierre Brun a dirigé les recherches archéologiques dans le cadre du programme sur l'artisanat en Italie méridionale portant sur des fouilles à Pompéi, Herculanum et Sépinum. Le programme fédérait 9 équipes animées par des chercheurs du CNRS et de l'École française de Rome, travaillant sur la tannerie, la parfumerie, la teinturerie, le textile, la vannerie, la plomberie, la boulangerie, la peinture et la production de salaisons de poissons, tout corps de métier que nous retrouvons toute cette semaine. Comme Jean-Pierre Brun l'indiquait dans sa leçon inaugurale en 2012 au Collège de France, il souhaite faire de ce collège une maison commune des archéologues français, européens, méditerranéens. Et c'est bien cette maison commune qui émerge dans sa série. Dans cette même leçon inaugurale, Jean-Pierre Brun rappelait les derniers apports de sa discipline, et je le cite, « Les mécanismes complexes du commerce antique ont fait l'objet d'études récentes utilisant le papyrus, les archives des Sulpicies, trouvés dans un faubourg de Pompéi, et les indices archéologiques que constituent les amphores ou les lingots. Ces synthèses ont refondé notre connaissance, mais il reste beaucoup à faire pour connaître les infrastructures. D'abord les ports, les routes et particulièrement les voies romaines avec leurs ouvrages d'art, ponts et tunnels permettant un transport par terre beaucoup plus aisé et bien meilleur que celui des époques médiévales et modernes. Jean-Pierre Brun ajoute également qu'il ne saurait y avoir une croissance de la production sans organisation du commerce, dont le rôle est d'identifier les besoins dans tel ou tel lieu et d'acheminer ce qui fait défaut. Par leurs réseaux familiaux, ethniques ou autres, les marchands se tenaient informés des besoins et organisaient les transports, bénéficiant dès l'époque classique et sur une plus large échelle à l'époque impériale, des infrastructures mises en place par les États et de systèmes de transport public ouvrant la voie aux échanges privés. Dans une interview donnée à La Vie des idées, Jean-Pierre Brun, interrogé sur l'archéologie du futur et songeant aux difficultés d'intervenir sur des chantiers dont les travaux précédents ont pu détruire une partie des vestiges, imagine un système de jachère historique et je le cite. À côté de la fouille nécessaire, parce que l'évolution de notre civilisation le demande, lorsqu'il faut faire passer une route ou construire un immeuble, il faut que nous ayons le courage de mettre en jachère historique, si j'ose dire, un certain nombre de parcelles qui seront le réservoir d'informations pour les questions que poseront les générations futures à notre histoire. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 8 novembre 2016 pour le cours de Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi, la suite du panorama sur l'artisanat. Beaucoup de boutiques de denrées alimentaires ont été mises au jour à Pompéi. Le tavernier qui possédait une salle ouvrant sur la Via d'Inola faisait son vin et préparait à manger. Avec Dorothée Némé et Guillaume Chaplin, nous avons repris en 2007 l'étude de cet ensemble qui a été dégagé entre 1899 et 1904. C'est un complexe qui couvre 140 mètres carrés au sol environ et qui a été construit après le tremblement de terre de 62-63 dans une maison préexistante. En façade, la taverne est équipée d'un comptoir revêtu de plaques de marbre de récupération joliment agencées en décoration géométrique. Ce comptoir était équipé d'un foyer qui permettait de préparer des plats chauds. La salle du comptoir elle-même était décorée de peintures murales aujourd'hui presque complètement disparues. Au début du XXe siècle, on y reconnaissait entre autres une figure de Bacchus appuyant sur un satyre. On faisait du pain que l'on servait dans la taverne et dans une cuisine équipée de ce four à pain situé au bout d'un couloir. Voici ici une vue rapprochée du comptoir avec les dolium et le foyer, la taverne elle-même et la salle dans laquelle les clients pouvaient consommer. Cette salle à manger, donc, était ornée d'un sol en opus lignum à décor géométrique et d'une peinture du IVe style. Dans la seconde salle ouvrant sur la rue, on accédait à une arrière-salle destinée à recevoir les clients. De cette pièce partait un escalier en bois conduisant à l'étage où devait vivre l'exploitant et où il devait disposer de chambres destinées à la prostitution. La pièce donnait accès à un couloir limitant à droite un petit fouloir à vin dont les pieds droits étaient ornés de peintures, au nord une Vénus pompéienne accompagnée d'un amour et au sud une représentation de Mercure, le dieu du commerce. Une autre peinture sur le mur oriental de la pièce du fouloir montrait Dionysos abreuvant la panthère. Le jus de raisin obtenu par foulage était ensuite transféré dans la pièce à côté et transvasé dans 8 dolia, 8 grandes jarres, où prenait place le processus de fermentation. L'intérêt de cette taverne réside dans son équipement très complet et dans le fait que les exploitants y produisaient leur vin dont on peut suivre le parcours jusqu'au lieu de vente et de consommation. Ce secteur de la ville étant pleinement urbanisé, nous n'avons pas affaire à une production domaniale, mais à celle que le tavernier faisait pour ses clients. Possédait-il des vignes dans la campagne? Ou bien achetait-il du raisin à des vignerons? Nous connaissons par Caton des contrats d'achat de récolte sur pied. Rien ne permet de trancher, mais il est clair que l'exploitant maîtrisait toute la chaîne de production, le pain, le vin et la préparation de la nourriture. C'est un bon exemple de ces lieux de production et de consommation destinés à la population locale, des pauvres, des voyageurs et des agriculteurs venus à la ville, notamment pour s'y distraire. Et nous verrons que la prostitution était certainement un attrait primordial pour drainer cette clientèle. Et il faut donc adjoindre à cet artisanat alimentaire une composante de service que nous examinerons tout à l'heure. La situation de la production diffère pour le viticulteur exploitant un beau clos de vigne au nord de l'amphithéâtre. Le mérite de son identification revient à Wilhelmina Jasemski qui, en effectuant des moulages des trous laissés dans le sol par le pourrissement des bois, a montré que le vaste espace que l'on croyait vide n'était pas un forum boarium, c'est-à-dire un foirail pour la vente des bœufs, comme on le pensait jusqu'alors, mais bien un vignoble couvrant 6500 m2 environ. La vinification était assurée sur place, dans une petite installation de foulage et de pressurage, pourvue d'un pressoir et de 10 jarres enterrées jusqu'au col, dits doliens. Fouloir et pressoir sont similaires à ceux des fermes de la région, les fameuses villets de la région du Vésuve. Le rapport entre la superficie du vignoble et les capacités de production maximales, connues par la contenance des doliens, globalement environ 100 hectolitres, montre que le rendement espéré de ce vignoble était estimé à un maximum de 150 hectolitres à l'hectare, ce qui le rapproche des rendements records attestés par les auteurs anciens et qui s'explique par le fait que ce sont des vignes sur treille qui ont une forte productivité. L'exploitant n'avait aucun besoin d'envisager la mise en amphore et l'expédition lointaine de sa production. Il l'a débité sur place sans intermédiaire et au meilleur prix, car il possédait d'une part une taverne ouvrant sur la rue, et il servait aussi du vin et peut-être des repas à des clients qui prenaient place dans des triclinias à estiva, c'est-à-dire des tricliniums d'été à l'air libre, construits dans la vigne elle-même, sous les frais ombrages. La proximité immédiate de l'amphithéâtre assurer une clientèle régulière à ce vin qui pouvait être aussi vendu dans des baraques foraines que montre, par exemple, la fameuse peinture de la Rix de 59 après Jésus-Christ. L'empereur Domitien finit par interdire ses productions de vin en ville par un édit daté de 92 après Jésus-Christ destiné à combattre la surproduction de vin. Et je vous renvoie à la fine analyse de ce texte faite par André Tchernia dans son ouvrage « Le vin de l'Italie romaine », ouvrage que, selon la formule consacrée, il faut lire sans modération. Nous avons donc affaire, là encore, à un investissement agricole et artisanal en prise directe avec la demande, un propriétaire foncier qui a saisi une opportunité de profit facile dans une zone certes périphérique de la ville, mais toujours à l'intérieur des remparts. Un autre artisanat, sûrement destiné uniquement à la consommation urbaine, est celui de la meunerie, des grains et de la boulangerie. La boulangerie est l'une des activités artisanales les plus aisément reconnaissables à cause de la présence de meules et de fours, voire, comme dans la boulangerie de la région 7136, grâce à la découverte de 81 pains carbonisés au moment de l'éruption du Vésuve. Il y a donc une vaste littérature sur ce sujet qui vient d'être renouvelée par les recherches de Nicolas Montex. Il a consacré une synthèse sur ces questions dans son ouvrage sur les métiers herculanum et il a entrepris des fouilles nouvelles dans les boulangeries de Pompéi, dans le cadre du projet Pistrina entre 2008 et 2014. Alors, rappelons d'emblée que la consommation de pain est un phénomène historique assez récent, au 1er siècle de notre ère, et qu'il accompagne la consommation accrue de vin. Pendant des siècles, des populations italiques ont consommé des bouillies de céréales, la pulse. Ce n'est que vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ que la fabrication de pain à base de farine de blé levée, donc fermentée si vous voulez, commença, favorisée par les progrès de l'urbanisation et la hausse du niveau de vie. La plus ancienne attestation littéraire de boulangerie à Rome se trouve dans une pièce de Plot qui, comme vous le savez, est mort en 184 avant Jésus-Christ et se trouve donc dans la pièce qu'ils appellent Asinaria, au vers 200-201. Pline, dans le livre 18, paragraphe 107, de son côté, affirme qu'il n'y avait pas de boulangerie à Rome avant 171 avant Jésus-Christ, ce qui est sûrement faux, puisque nous avons vu la citation de Plot, mais indique probablement leur rareté à la fin du IIIe siècle et dans la première moitié du IIe siècle. À Pompéi, cette évolution majeure des pratiques alimentaires s'est produite bien plus tard, que dans la grande métropole. Deux étapes ont été dégagées par les recherches de Nicolas Montex. Dans une première phase, la préparation et la cuisson du pain eurent lieu dans un cadre domestique. Dans les demeures des aristocrates, qui sont dotés dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ de thermes privés, parfois associés à des fours à pain, et c'est le cas dans 8 d'entre elles, dans 8 de ces maisons, dont 7 fours à pain ont été repérés principalement dans des cryptoportiques. Ces boulangeries domestiques, et nous voyons ici l'exemple de la boulangerie privée de la fameuse maison du Ménandre, ces boulangeries domestiques sont équipées de fours qui sont plus petits que les fours artisanaux qui verront le jour par la suite. Leur sol est inférieur à 2 mètres de diamètre. Dans la Casa del Ménandre, le four est lié à la construction des thermes et remonterait aux années 50-30 avant Jésus-Christ. Les autres installations sont moins bien datées, mais il y semble que presque toutes étaient hors d'usage au moment de l'éruption. La seconde phase vit se développer les boulangeries artisanales. 32 boulangeries artisanales existaient dans le troisième quart du 1er siècle après Jésus-Christ. 21 comportaient une boutique de vente et 24 étaient dotées de moulins pour préparer la farine. Ces proportions indique une monétarisation certaine des échanges à l'intérieur même de la profession, puisque 8 boulangeries devaient acheter leur farine, tandis qu'un tiers des artisans vendaient probablement leur pain par des intermédiaires, des restaurateurs par exemple, et des marchands ambulants. Nicolas Montex a aussi fait justice d'une interprétation fantaisiste qui pollue la littérature spécialisée, l'existence de pâtisseries. Giuseppe Fiorelli, dans son célèbre guide de Pompéi, identifie en effet les installations situées en 7, 4, 29 et 5, 1, 14 comme des pâtisseries, car l'une aurait un four à 2 étages et l'autre avait livré de nombreux moules à gâteaux, entre guillemets. Mais rien de tout cela ne résiste à la critique. Tout au plus, la présence de 2 fours pourrait suggérer 2 types de produits différents, dont éventuellement des gâteaux, mais ils peuvent être tout aussi bien 2 fours à pain témoignant d'une production plus intense. Malgré les variantes de détail, ces boulangeries artisanales sont toutes très bien équipées, montrant à la fois une maturité technique, des savoir-faire en matière de construction, des circuits commerciaux réguliers en ce qui concerne les matériaux et les meules, et aussi des investissements importants de la part des propriétaires. La chronologie de leur implantation pose problème faute de fouilles stratigraphiques précises dans la plupart d'entre elles. Seule la boulangerie située en 1-12-1-2 a été sûrement datée entre les années 50 et 60 de notre ère. Son implantation est postérieure à l'émission d'une monnaie émise en 22 de notre ère et la boulangerie était en pleine transformation au moment du tremblement de terre de 62-63. Une construction sous Claude est donc plausible. L'homogénéité des techniques de construction plaide pour une chronologie resserrée, probablement dans la première moitié du 1er siècle. Il est vraisemblable que les transformations de la ville sous Auguste, l'explosion des échanges commerciaux et la dynamisation de l'économie se sont accompagnées d'une démocratisation de la consommation de pain. C'est cette nouvelle demande qui a provoqué l'investissement d'une part des élites dans des boulangeries. Ces dernières comportent des vestiges des principales étapes de la chaîne opératoire de la préparation du pain. La plupart recevaient le grain apporté dans des sacs par des ânes et le boulanger, en fait le pistor, se chargeait de les moudre. Le moulin est d'ailleurs l'emblème que les pistoresses font systématiquement représenter sur leurs pierres tombales. À Pompéi, la farine était obtenue en utilisant de grands moulins en forme de 2 troncs de cône inversés. La majorité de ces meules a été importé depuis les carrières d'Orvieto en Ombrie. Environ 90 meules de ce type ont été recensées à Pompéi. Elles étaient scellées sur des massifs de maçonnerie dont le sommet débordant était recouvert d'une feuille de plomb pour recueillir la farine. Elles étaient le plus souvent entraînées par des équidés, mules et mulets surtout. Les squelettes de ces animaux se trouvent parfois dans les écuries attenantes à la meunerie, comme vous voyez ici, dans le cas de la meunerie de la boulangerie de la maison des chastes amants qui a été dégagée dans les années 80-90. Pour obtenir une farine plus blanche et pour éliminer plus aisément le son, il faut humidifier le grain par trempage et 5 des 32 boulangeries étaient dotées de bassins maçonnés permettant cette opération. Une minorité de boulangeries était équipée de façon permanente de cet équipement, ce qui laisse supposer qu'on y faisait un pain de meilleure qualité, panis candidum. Certains pistores se glorifient d'ailleurs du titre de pistor candidarius. C'est un indice que la différenciation sociale qui portait au 1er siècle avant Jésus-Christ sur la consommation ou non de pain s'est déportée au moment où la majorité des habitants mangent du pain, entre le pain brun et le pain blanc. Et donc, au moment de l'éruption de Vésuve, une partie des boulangeries s'était spécialisé dans la production d'un pain blanc, probablement destiné à une clientèle disposée à payer plus cher. Dans les deux cas, il fallait pétrir, bluter la farine pour la débarrasser le plus possible du son et des gruaux, avant de pétrir. Dans 10 boulangeries, on relève la présence de massifs maçonnés à plan en équerre qui servaient peut-être aux opérations de blutage. Le pétrissage, quant à lui, était réalisé en partie à la main, dans des auges en bois, dont au moins 2 sont attestées. Mais c'est surtout le pétrin mécanique qui était employé. 21 boulangeries sont équipées de cette machine actionnée par des hommes. Dans un cylindre de basalte, on ajustait une crapaudine centrale qui recevait un axe muni de pales de bois latérales, malaxant la pâte dans la cuve cylindrique, qui était elle-même munie de fiches horizontales destinées à triturer le mélange aux farines. Lorsque la pâte était malaxée, en présence de levain, on la laissait reposer dans de grandes jattes afin que la fermentation produise les bulles qui aèrent la pâte et rendent le pain moelleux. Cette phase, nommée pointage, précède la mise en forme des pâtons qui étaient réalisés sur des banquettes de pierre ou de bois. On façonnait notamment des pains ronds à surface prédécoupée en quartiers. Quelquefois, ces pains étaient marqués. D'ailleurs, que l'homme en a trouvé un pain marqué Celer, esclave de Quintus Granus Vetus. Mais on ne peut guère en tirer d'enseignement vu la rareté des cas, bien entendu, car il est rarissime que le pain se conserve. Tout au plus peut-on penser qu'il s'agit de commandes et que le marquage aurait une valeur opposable en justice. Enfin, le pain était cuit dans des fours à plan carré de 3,50 m de côté environ, haut de 4 m et surmonté d'une haute cheminée. Le plan de cuisson était situé à hauteur d'homme, bâti sur un compartiment dans lequel le bois était stocké. La bouche du four était faite de blocs de lave et donnait accès à la chambre de chauffe dont la sole était pavée de tuiles sous laquelle une couche de sable répartissait la chaleur. La plateforme devant le four servait à passer les pains à enfourner et la coupole d'un diamètre compris entre 2 mètres et 2,50 mètres était faite de rangées de pierres de basalte et de tuiles. Elle disposait d'une cheminée placée dans la partie antérieure et après la chauffe, la cheminée était fermée pour garder la vapeur d'eau qui rend le pain souple. Et donc ces fours étaient chauffés au bois et aussi au grignon d'olive. Les analyses récemment effectuées par Madame Materne du CNRS ont montré que dans certains cas, les grignons, c'est-à-dire les noyaux d'olive et les peaux résultant de la presse après l'extraction de l'huile, représentaient jusqu'à 99% des échantillons prélevés. Cela n'a rien d'étonnant, car les grignons ont un fort pouvoir calorifique et que l'éruption, nous l'avons vu dans un cours précédent, eut lieu non pas en août, comme on l'a longtemps dit, mais durant l'automne avancé et donc en pleine saison de fabrication de l'huile d'olive. Nul doute qu'au printemps ou en été, d'autres combustibles devaient être aussi employés. Mais l'emploi de grignons permettait une forte diminution des temps de chauffe, 2 fois moins de temps, et du volume de combustible, puisqu'il est 10 fois plus calorifique que le bois normal. Les pins étaient ensuite disposés sur la sole, nous l'avons vu, et leur forme circulaire, d'un diamètre variant entre 19 et 23 cm, permettait de couvrir l'entière surface de la sole, et c'est ainsi qu'ils ont été retrouvés en 1862 dans la boulangerie 7136. En résumé, les boulangeries artisanales étaient un phénomène récent et massif à Pompéi. En tenant compte des parties non dégagées, on peut estimer qu'une quarantaine, peut-être un peu plus, une quarantaine de boulangeries fonctionnaient au moment de l'éruption. Leur création avait à peu près éliminé les boulangeries privées. Seules celles de la Casa del Marinaio semblent encore en fonction en 79. Et il faut rappeler que certains taverniers, comme celui de 546, faisaient leur propre pain, là encore dans un cadre artisanal. Certaines boulangeries venaient à peine d'être terminées, d'autres avaient déjà un bon demi-siècle d'existence, une seule était abandonnée et en cours de démantèlement au moment de l'éruption, celle située en 954. En somme, une vie économique normale où une demande nouvelle donne naissance à une filière artisanale bien articulée, mais relativement tardive par rapport à Rome, et où des accidents banals, tels que la mort d'un exploitant ou d'un propriétaire, entraînent des fermetures d'activités au moment où d'autres se montent. Ces boulangeries étaient toutes bâties peu ou prou sur le même modèle, à part l'absence de moulins dans quelques-unes, ce qui implique de notables investissements en capitaux dont il faut questionner l'origine. Qui donc possédait les boulangeries? C'est une question débattue. Mais quelques exemples montrent que l'élite sociale investissait dans ces installations artisanales pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales et politiques. Après le tremblement de terre de 62-63, la Casa del Labirinto fut dotée d'une boulangerie. Sa construction n'implique pas forcément un changement de propriétaire. Il se pourrait que ce soit un moyen pour les propriétaires de la demeure de gagner de l'argent, soit en y faisant travailler des esclaves ou des affranchis, soit en la louant. À quelques dizaines de mètres de là, 2 boulangeries de l'Insula Ariana Poliana en 6-10-20 et en 6-10-4-5, ces 2 boulangeries sont situées de part et d'autre de la rue. L'une possède une meunerie et l'autre non. Ce qui pourrait signifier que la première fournit la seconde en farine. Au lieu d'être concurrentes, ces 2 boulangeries étaient peut-être complémentaires et appartenaient éventuellement à un même grand propriétaire. Mais le cas le plus net est probablement celui de la boulangerie de la maison des Chastes Amants, récemment étudiée par Nicolas Montex dans son article « Histoire politique des élites et histoire économique ». L'exemple des Caii Iulii et des Marquis Lucrecii à Pompéi, dans un ouvrage collectif en hommage à Jean Andreau qui s'appelle « Les affaires de M. Andreau, économie et société dans le monde romain », paru à Bordeaux en 2014. Montex avance l'hypothèse que la meunerie des Chastes Amants appartenait à Caius Iulius Polybius, car, d'une part, une meule est marquée CIP, que vous voyez ici, et d'autre part, parce que lors de sa campagne électorale pour le Duumvirat, Caius Iulius Polybius était soutenu par les Mouliones et par les Pistores. Il est même qualifié de Pistor dans une inscription du CIL 4, 875. Ce qualificatif s'expliquerait bien par la possession de la boulangerie. On tient là un bel exemple d'investissement dans un artisanat qui demande des capitaux importants, d'une part pour acquérir ou louer un emplacement vaste dans une rue passante, ici la Via dell'Abbondanza, et d'autre part pour faire construire le four à pain et pour importer de fort loin, nous l'avons vu depuis l'Ombrie, des meules de qualité. En outre, le recrutement de la main-d'œuvre, esclave ou non, et la salle de matières premières, dont le blé, suppose des disponibilités financières notables. Dans une ville en expansion comme Pompéi, la demande de pain allait croissante et la meunerie et la boulangerie devaient rapporter de bons revenus. L'élite sociale et politique ne dédaignait visiblement pas ce type de profit, d'autant plus que la possession d'une boulangerie facilitait la distribution gratuite de pain, un argument électoral du poids. Ce n'est pas pour rien que le qualificatif de pistor est employé dans l'inscription électorale en faveur de Caius Iulius Polybius, une autre inscription où il est écrit « Je vous demande d'élire Caius Iulius Polybius comme édile, il porte du bon pain ». Panem bonum fert, au CIL 4-429. Et il faut rapprocher cette inscription d'une fameuse peinture trouvée en 7-3-10 qui montre non une boutique de vente de pain, comme on l'a longtemps pensé, mais la distribution gratuite de miche par un homme habillé d'une toge blanche, donc un candidat aux élections faisant campagne, comme il se doit, in toga candida. Il y avait donc des intérêts multiples, et pas seulement économiques, et des entrepreneurs de boulangeries de tous les niveaux, dont le sommet est bien sûr représenté à Rome par le Redemptor Pistoris Marcus Virgilius Eurysaces, dont le tombeau magnifique, situé devant la Porta Maggiore, représente toutes les phases de la fabrication du pain dans une boulangerie quasiment industrielle, utilisant des meules et des pétrins mécaniques, mais c'est évident que là, nous sommes à une autre échelle, nous sommes à Rome, et que nulle part à Pompéi, on a trouvé de boulangerie industrielle, entre guillemets, aussi importante. Le Collège de France et France Culture vous présente l'archéologue Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi, aujourd'hui état des lieux de l'artisanat. L'investissement dans les boulangeries de la part des élites était certainement rentable. Il en est probablement de même pour d'autres artisanats alimentaires, tels que celui des salaisons de poissons, qui a pu se hisser à certaines époques au rang de proto-industrie, caractérisée par des investissements en capital, parfois réalisés par des sociétés de plusieurs associés et produisant de grandes quantités pour la vente en masse, parfois exportée outre-mer. Rappelons que les conserves de poissons ont été, avant l'invention des réfrigérateurs, une réserve de protéines bon marché, disponible en toute saison, en association avec les salaisons de viande et autres charcuteries. Les salaisons de poissons en Italie antique ont fait l'objet d'un ouvrage récent d'Emmanuel Bott, Salaison et sauce de poisson en Italie du Sud et en Sicile durant l'Antiquité, paru à Naples en 2009. J'en extrais quelques notions pour montrer à la fois l'importance de cette industrie alimentaire et ses procédés. Pour être salés, les poissons doivent être traités tout de suite après la pêche. Il faut les vider et les plonger immédiatement dans un bassin et les couvrir de sel. Le salage à sec, qui est réalisé surtout dans les petits récipients tels que des tonnelets, alterne des couches de poisson et de sel. Les poissons trop grands pour être salés entiers étaient coupés en morceaux. Les thons, qui étaient le plus utilisés du fait de leur taille et de la qualité de leur chair, étaient débités. Et on faisait des conserves particulières de panses et de coups de thon, selon ce que nous en dit Pline. Les cuves de salaison, les cétariées, étaient très largement installées, notamment en Espagne. Et on trouve ce terme, par exemple, chez Pline, qui mentionne que certaines étaient pleines de maquereaux, au livre 9, paragraphe 49. Outre les poissons salés, c'est-à-dire la chair de poissons salés, on préparait aussi des sauces de poissons, le garum, le liquamen et la muria, dont les mentions sur des vases de Pompéi assurent qu'il s'agit de produits différents que l'étude d'Emmanuel Bott a précisé. Donc, outre ces tranches de poissons salés, il y avait ces fabrications de sauces de poissons qui étaient très prisées, le garum, qui est une sauce décrite par Pline au livre 31, paragraphe 93, qui consiste à faire macérer dans le sel des intestins de poissons, surtout des maquereaux, et à recueillir le liquide. On faisait notamment le garum aimation, préparé avec le sang et les entrailles des thons, qui étaient très appréciés. Le garum préparé à Carthagène, à Clazomène, à Lepsis Magna et à Pompéi même était particulièrement réputé. Le liquamen, qui était une autre sauce de poisson dont nous ne connaissons pas véritablement la recette. Il y avait aussi la muria, qui se formait d'elle-même avec l'eau contenue dans les poissons mêlés au sel lors du processus de salage. C'est le liquide qui restait lorsque les tranches de poisson avaient été retirées des cuves. C'est donc un sous-produit, mais certains types de muria avaient acquis une grande notoriété, notamment celle d'Antibes, de Tourie, en Calabre, et la muria de la province de Dalmatie. Comme la muria est mentionnée dans des petits conteneurs de Pompéi à côté du garum et du liquamen, on peut en déduire que cette production pompéienne était également appréciée. Enfin, on commercialisait l'alec, qui est le résidu du garum, une pâte qui reste lorsqu'on a retiré la sauce. C'était un sous-produit généralement bon marché, mais là encore, la mention d'Alex Optimum sur des conteneurs de Pompéi, par exemple au CIL 4, 57, 17 et suivant, montre qu'il y avait des qualités recherchées, notamment celles fabriquées à base de foie de mulet et de surmulet. Les salaisons de poissons ont été fabriquées en grande quantité dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, ainsi que de la mer Noire, dès l'époque grecque classique au moins. Durant l'Empire romain, ces productions prennent des proportions énormes, notamment sur la façade atlantique de la péninsule ibérique, ainsi qu'en Maurétanie tingitane et dans tout le secteur du détroit de Gibraltar, en Afrique et en Italie méridionale, et notamment en Sicile, où des installations comportant plusieurs dizaines de cuves ont été mises au jour. Pompéi offre l'opportunité d'étudier les débuts de cette activité, au moment où elle sort de la sphère domestique, pour devenir un artisanat véritable. En plusieurs lieux, notamment aux abords de la Porta Stabia et de la Porta Colano, des cuves ont été mises au jour dans les niveaux de boutiques de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Un article de Stephen Ellis, The Rise and Reorganization of the Pompeian Salted Fish Industry, paru dans un ouvrage collectif qu'il a lui-même dirigé qui s'appelle The Making of Pompeii, Studies in History and Urban Development of an Ancient Town, paru en 2011, a fait le point de nos connaissances en s'appuyant sur ses propres fouilles de la Porta Stabia, du secteur de la Porta Stabia, commencé en 2005. Dans ce quartier populaire près de la porte, les maisons sont modestes et comportent toute une boutique en façade. Dans la phase finale précédant l'éruption, ce sont surtout des tavernes et des restaurants. Mais dans une phase antérieure, plusieurs de ces boutiques possédaient des cuves qui seront par la suite comblés. 5 ont été fouillés en 8-7-1 et dans la région 1 insulaire. Leur identification a été assurée par la découverte dans une des cuves d'une couche d'arêtes de poisson. Leur contenance varie entre un peu moins d'un mètre cube et près de 3 mètres cubes, montrant que les volumes de production différaient selon les artisans. Mais ces volumes restent très modestes comparés aux grands établissements d'époque impériale de la péninsule ibérique, de la Méditerranée gitane et de la Sicile. Mais il faut replacer cette région à l'échelle de son temps, c'est-à-dire la fin du IIe siècle, le début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Époque de la construction donc de toutes ces cuves et de celles, les 6 qui ont été fouillées près de la porte à Ercolane par l'équipe de Rick Jones et Damien Robinson qui ont fait une publication à ce sujet en 2005. Dans ce secteur de la porte à Ercolane, une partie des installations a été détruite lors du siège de 89 avant Jésus-Christ et une autre située un peu plus au sud, dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Quelques autres cuves ont été mises au jour en d'autres lieux, près du forum ou sur le forum même, notamment deux boutiques en façade de la maison des noces d'Hercule et dans les boutiques qui étaient situées sur le côté oriental du forum et qui avaient été fouillées par Amedeo Maiori. Steven Ellis pense en effet que certaines des 11 vasquettes décrites, enfin mentionnées par Maiori, dans les 7 boutiques du côté oriental du forum, pourraient servir aux salaisons de poissons. Mais nous avons vu dans un cours précédent qu'une autre explication est aussi possible. Certaines auraient pu être des cuves de décantation, des huiles à parfum. Mais les deux ont pu voisiner sur le forum. La question reste débattue. Tant qu'on ne réouvre pas ces fouilles et qu'on ne fait pas des analyses, on n'aura pas de certitude. Quoi qu'il en soit, nous avons affaire ici à une production urbaine destinée à la population locale et aux agriculteurs des environs. L'activité était probablement saisonnière, profitant de la présence des thons entre avril et octobre. Plusieurs cuvées successives pourraient être réalisées durant le printemps et l'été, profitant à la fois de l'abondance des poissons pêchés dans le golfe et du sel récolté dans les Salinae Herculae, mentionné par Columel. La partie nord-ouest de la ville, où ont été trouvées de nombreuses cuves de poissons, était d'ailleurs connue sous le nom de Vicus Saliniensis. À l'époque samnite, la voie qui sort de la ville s'appelait Veru Salinu et la porte Porta Salis. La production des salaisons de poissons avait donc des atouts pour prospérer, d'autant que la demande croissait avec l'augmentation de la population et de son niveau de vie. Mais elle restait à un niveau artisanal. On ne voit nulle part que les fabricants aient possédé plusieurs cuves. Il faut imaginer que les artisans travaillaient en famille, comme c'est encore le cas à Cetara, sur la côte amalfitaine, où l'on prépare la Colatura di Alici, qui se situe dans cette tradition, mais en utilisant une technique différente. Pratiquement toutes les cuves de salaison de ces boutiques, celles qui ont été fouillées jusqu'à présent, sont comblées vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Or, Strabon, livre 3, 4, 6 et livre 6, 1, 1, ainsi que Pline, livre 31, 94, mentionnent Pompéi comme un lieu de production de salaison et de garum de poisson réputé pour leur qualité. Cela implique que les salaisons étaient produites ailleurs, probablement sur le littoral, comme dans toutes les régions de l'Empire où l'on voit se multiplier les grands établissements hors les murs qui supplantent en importance les ateliers restés en centre-ville. Certains subsistent, comme par exemple à Sabrata ou à Tipaza, dont Touatia Amraoui nous a parlé récemment. Par ailleurs, l'épigraphie des conteneurs appelés Urkei indique que Aulus Ambrosius Caos commercialisait de notables quantités de sauces de poisson réputées, de garum, de muria et de liquamen. C'est probablement à ce personnage que pense Pline lorsqu'il cite la bonne réputation du garum de Pompéi. Aulus Ambrosius Caurus, probablement originaire d'Étrurie, semble avoir commencé son activité productrice sous Auguste. Il acquit, dans les années 30 de notre ère, une splendide demeure ouverte sur la mer dans la région 7 Insula Occidentalis. Cette demeure vient de faire l'objet d'une étude monographique de Claudia Constantino, parue dans Vesuviana numéro 3 en 2011. Pour témoigner de sa réussite industrielle et commerciale, dont il était visiblement fier, il fit représenter 4 conteneurs de sauce de poisson sur une mosaïque ornant l'atrium de sa maison. On voit ici sa maison qui domine la mer, avec une très grande maison, avec un atrium, un grand péristyle ouvrant sur le paysage, et un second atrium ici, dont la mosaïque était ornée de 4 conteneurs de sauce de poisson, qu'on appelle des urquilles, qui mentionnent chacune une inscription différente, faisant référence aux différents produits commercialisés. Par exemple, le liquamen optimum ex officina scauri. La forme typique de ces vases était sa marque de fabrique. L'ampleur de l'entreprise de Scaurus se mesure au nombre de ces urquilles trouvées à Pompéi et dans sa région, et même une possibilité d'exportation, puisqu'on en a trouvé à Fos-sur-Mer, mais il est possible qu'il s'agisse seulement de vases appartenant à l'équipage d'un navire, plutôt qu'à une véritable exportation. On attendra d'en savoir plus. Mais on mesure surtout l'importance de sa production au nombre des esclaves qu'il employait dans son établissement, puisqu'on en connaît au moins 8. Cette entreprise, dont la prospérité était fondée sur la qualité du produit garanti par sa marque, dépassait la taille des anciens ateliers urbains. Son établissement de salaison devait se situer ailleurs qu'en centre-ville, probablement sur le rivage, près des salines. Aulus Ambrosius Caurus occupait une place éminente dans la cité, et pas uniquement comme un riche entrepreneur. Son fils Aulus fut domvir de la cité, et le conseil municipal l'a honoré d'une statue sur le forum et de funérailles publiques vers le milieu du 1er siècle de notre ère. L'artisanat local des Salaisons eut affaire, du fait de l'ouverture des grandes voies commerciales maritimes à partir du règne d'Auguste, à des concurrents d'importance, les Salaisons de poissons d'Italie du Sud et de Sicile, mais aussi les Salaisons ibériques et mauritaniennes. Les tranches de thon salé de Sicile et de Calabre étaient contenues dans les nombreuses amphores Dressel 21-22. Quant aux salaisons espagnoles, elles étaient transportées dans des amphores Dressel 7-11, Pompéi 7 et Beltane 2, nombreuses à Pompéi. Strabon signale d'ailleurs que des marchands de Turdétanie, c'est-à-dire de la vallée du Guadalquivir, s'activaient à Ostie et à Pouzol. Et au 1er siècle, l'essentiel des exportations de Bétique porte sur les salaisons, devant l'huile, pourtant déjà très réputée, et le vin, lui aussi très apprécié. Peut-on estimer la place que les productions locales conservaient dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère? Rappelons que les archéologues ne peuvent observer que les importations arrivées dans des amphores. Ils n'ont pas d'indice quantifiable des productions locales commercialisées dans des amphores de récupération. Dans l'atelier 1-12-8, l'artisan récupérait des amphores Dressel 21-22 qu'il lavait et qu'il remployait pour ses propres productions. On peut donc mesurer approximativement la part respective des importations d'Espagne et de Mauritanie par rapport à celles de Sicile et de Calabre à Pompéi, ce qu'a fait Emmanuel Bott dans son livre, mais pas par rapport aux productions locales. Mais même cet examen des importations est difficile car on ne dispose pas d'un échantillon fiable et parce que beaucoup d'amphores ont été remployées. En ne prenant en compte que les amphores portant des étiquettes peintes, Emmanuel Bott arrive à la conclusion que les importations de salaison italienne sont légèrement inférieures aux importations ibériques, ce qui est corroboré par les comptages dans un dépotoir de cumes daté de l'époque flavienne, où les salaisons italiennes font à peu près jeu égal avec celle d'Espagne. Mais, comme je vous l'ai dit, ces comptages ne nous informent en rien sur la place des productions locales, mis à part ce produit de luxe qui était le garum de Aulus Embricius Corus, dont les flacons sont marqués et facilement reconnaissables. Au total, malgré le poids des importations, je pense que l'industrie locale des salaisons s'est maintenue, car il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. La demande était là, en augmentation, les ressources aussi, c'est-à-dire le poisson et le sel, la main-d'œuvre restait peu coûteuse. Il faut donc imaginer que si les petits producteurs ont été en grande partie éliminés, mais pas tous, puisqu'il en restait au moins un dans la région 1, nous l'avons vu, quelques entrepreneurs, comme Scaurus, ont perpétué cette industrie en la délocalisant hors de la ville. Nous avons donc fini le cycle des artisanats liés aux productions alimentaires et je vais rapidement évoquer les artisanats de service qui sont bien entendu difficiles à distinguer car ils laissent peu de traces. Le principal de ces artisanats de service est celui qui concerne les transports, qui nous est connu principalement par l'épigraphie et par l'iconographie. Les mouliones qui proposaient leurs services près de la porte d'Herculanum, où il y avait des cochers publics, nous sont donc connus par quelques graffitos. Il faut imaginer Pompéi parcourue par des files d'ânes portant des sacs, notamment de grains, et par des chariots transportant des matériaux de construction ou du vin contenu dans d'énormes outres faites de peaux de bœuf cousues et portées sur des berceaux, comme vous voyez ici, dans une peinture d'une taverne dont nous allons reparler tout de suite. Mais les corps d'animaux n'ont pas retenu la même attention que les corps humains au cours des fouilles, et en général, ils ont été jetés, sauf dans les fouilles récentes, et rares sont les charrettes qui ont subsisté. On peut à peine citer la charrette de la maison du Ménan, par exemple. Enfin, beaucoup de transports se faisaient à dos d'homme par des portefaix, les saccharii, dont la présence est connue par quelques inscriptions, notamment au CIL 4, 2040 et 50-19. Un autre artisanat de service, beaucoup plus évident d'un point de vue archéologique, est le nettoyage des vêtements réalisés par les foulons. J'y reviendrai dans un prochain cours à partir des travaux de Mycoflore déjà cités, mais il suffit de rappeler ici que les fouloniquets avaient pour fonction première de nettoyer et blanchir les tuniques et toges grâce à un piétinement dans une eau additionnée principalement d'argile ou d'urine fermentée. Les tissus étaient ensuite rincés, blanchis au soufre et pressés. Ces services s'adressaient principalement aux notables de la ville et les foulons se trouvaient, comme les parfumeurs, à l'interface entre l'élite urbaine, dont ils lavaient les vêtements, et le peuple, dont ils faisaient partie. Cette position intermédiaire explique leur rôle lors des campagnes électorales, sans que pour autant ce rôle fasse d'eux des notables. D'autres artisanats ne sont connus que par des inscriptions, telles le tonsor, le barbier coiffeur, qui était établi en face des thermes de Stabie, et mentionné par l'inscription CIL 4743. Un autre artisanat de service est la prostitution. D'aucuns s'étonneront que j'ose inclure cette pratique parmi les artisanats. Mais nous savons que malgré l'opprobre qui frappe cette activité dans notre culture judéo-chrétienne, les économistes contemporains n'hésitent pas à l'inclure dans le calcul de l'activité économique. Or, il s'agit bien, dans les villes antiques, non d'une activité clandestine, mais d'un artisanat de service, des proxénètes, des taverniers, des gérants de thermes investissaient ouvertement dans la construction de bâtiments et dans l'achat d'esclaves qu'ils prostituaient dans leurs établissements, soit comme activité principale, soit pour attirer une clientèle supplémentaire. Dans la taverne 6-10 que nous avons vue tout à l'heure, parmi les tableaux peints sur les murs, entre des scènes de cabaret que vous voyez ici mentionnées commenté par des légendes du type « Ade calicem sentinum », c'est-à-dire « Remets-moi une coupe de vin de Sétia » ou Hoc nini mi est, qui vol sumat. Qui le veut ici? Non, c'est à moi, que l'on voit ici. Il y avait un cadre représentant des acrobates exécutant une performance pornographique. C'était bien un lieu de prostitution, car lors du dégagement furent retrouvés 5 squelettes de femmes qui portaient des bijoux. Outre cette taverne, 2 autres présentaient des scènes pornographiques, celle du roi de Prusse en 7-9-33, à côté du Machellum, et celle de Lucius Numisius à l'est du Capitole en 7-7-18, signalée par un bas-relief explicite, comme vous pouvez le voir. Et certaines tavernes, dont la taverne d'Azelline, employaient des prostituées. Dans la taverne d'Azelline, on connaît une certaine Aglaé la grecque et Maria la juive. Il y avait aussi des cellules ouvrant sur la rue, par exemple en 7-13-15 ou dans l'îlot 1 et sous la 5, où se trouvait une porte et un lit immédiatement derrière. Les peintures pornographiques à l'intérieur des thermes suburbains sont aussi indices que ce service était offert à la clientèle qui venait au bain. La situation était courante. Le juriste Ulpien considère que les patrons des thermes qui prostituent leurs employés sont des proxénètes. Et je vous renvoie au digeste à ce propos. Enfin, il existait des bordels spécialement construits pour cette activité, notamment en 1-5 et en 7-12-18-20, où les portes des loges montrent des peintures faisant la réclame de certaines spécialités. Si la profession de l'héno proxénète était déshonorante, il était tout à fait admis qu'un propriétaire foncier investissent dans ce type de bâtiment pour en retirer un produit financier. Ulpien dira, dans le digeste 5.3.27.1, « Sur les propriétés des gens honorables, on exploite des lupanards. » C'était une manière de rentabiliser au mieux ces biens fonciers, un modèle de bonne gestion, puisque la demande était en augmentation du fait de l'élévation du niveau de vie. La prostitution était répandue dans tous les quartiers de la ville de Pompéi, puisque la plupart des tavernes la pratiquaient, mais il y avait une concentration particulière dans les lieux les plus passants, les portes et les grandes rues, ainsi qu'autour du forum. L'attraction exercée sur la clientèle masculine créait une dynamique dont profitaient d'autres activités économiques situées dans le voisinage. Et nous voyons donc, en quelque sorte, que la boucle se ferme, puisque nous avons des groupements de commerce où l'on pouvait en quelque sorte trouver toutes sortes d'objets à acheter, mais aussi de services. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'archéologue Jean-Pierre Brun le 8 novembre 2016, le développement urbain de Pompéi, état des lieux de l'artisanat. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié avec Xavier Fernandez « Parfums antiques de l'archéologie aux chimistes » chez Silvana à Milan. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Andy Signoret de la bibliothèque de Radio France. Lundi, nous débuterons une nouvelle série en compagnie de Pierre Rosanvallon qui nous entraînera en 1968. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.